peux encore prendre la sortie ? Si je roule à 110 km/h, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je roule à 90 km/h, oui, réponse C. Non, réponse D.